Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. Prenez. Fa bibi. Fa bibi. Donnez-moi les lunettes. Fa ajoucheni wane mame. Fa ajoucheni wane mame. Mettez le crayon sur l'enveloppe. Fa ajoucheni tu akata dene so. Fa ajoucheni tu akata dene so. Retournez le verre, puis prenez les ciseaux. Butukapo no na uya fa apasono. Butukapo no na uya fa apasono.